Et mais pour Alain, qu'est-ce que ça veut dire? Le jardin des jeunes vous présente. Dis-moi, c'est quoi aimer pour Alain? L'amour pour Allah ou aimer pour Allah, c'est le summum de la foi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. L'amour pour Allah ou aimer pour Allah, c'est la gaieté, c'est la joie du cœur. Cela signifie toute amitié sincère. C'est ça, aimer pour Allah. Donc il réunit des croyants ou des croyantes à l'ombre de l'obéissance d'Allah. Qui réunit des croyants ou des croyantes à la ta'atillah. C'est ça, aimer pour Allah. C'est que ton frère, tu es avec lui à n'importe quel moment. Dans les moments de joie, tout comme dans les moments de tristesse. C'est ça, aimer pour Allah. De joie, tout comme dans les moments de tristesse. Il existe malheureusement parmi nous, entre frères et aussi entre sœurs, il existe burouda, une froideur, qaswa, une dureté et une rigidité dans les relations. Et c'est un fléau dont s'en plaignent beaucoup de nos frères et sœurs qui se plaignent du manque de fraternité. Je te fréquente ou tu me fréquentes parce qu'il y a un intérêt entre nous. Je te fréquente ou tu me fréquentes parce qu'il y a un intérêt entre nous. La fraternité sincère, la fraternité et la foi sont indissociables. Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Uhibbuka fillah. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah. Innal mar'a ma'a man ahabb. Innaka ma'a man ahbab. Yuhsharu al-mar'u yawm al-qiyamah ma'a man ahabb. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-mu'minun, les croyants sont frères. Aimé pour Allah. Allah. Uhibbuka fillah. Je t'aime. Pour Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'amour pour Allah, al-ukhuwa, al-sadiqa, aimer pour Allah, c'est suhbatul iman. Nous sous-entendons par cela. Cela veut dire suhbatul iman, la fraternité de la foi. Celle dont on peut dire annaha ra'sul iman, c'est le sommet, c'est la base de la foi. C'est ça. Aimer pour Allah. Aimer pour Allah. Aimer pour Allah. Aimer pour Allah. Wahibuka fillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها مشايخ وغسوغ أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للسجد aujourd'hui إن شاء الله que nous allons aborder durant cette soirée, sera consacré à ce que nous avons dénommé l'amour pour Allah ou aimer pour Allah, al-mahabbatu fillah. Il est important de rappeler que cet amour, al-mahabba, cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, constitue le cœur battant de la fraternité. Al-qalbun nabit lil-ukhuwa. Man hafadha alayha faqad hafadha ala kanzin thamin. Celui qui préserve cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala aura certes préservé un trésor inestimable. Aussi, nous devons également savoir que cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons cultiver entre nous, c'est le summum de la foi. C'est le summum qimma, c'est le summum de la relation de la foi. At-tarabut al-imani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit awthaqu 'ura al-iman al-hubb fillah wal-bughd fillah. Le nœud le plus ferme de la foi, c'est aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et détester pour lui. Et aussi, cet amour al-mahabba, cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabbatu fillah, bahjatul quloub. c'est la gaieté, c'est la joie du cœur ou des cœurs. وأنس النفس وتسليتها عند نزول الكروب. Et c'est aussi cet ami intime, al-mahabba, cet amour pour Allah constitue cet ami intime, le compagnon, celui ou celle qui console lors des malheurs et lors des douleurs. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? Pourquoi avoir opté pour ce sujet? Il y a deux raisons principales qui m'ont poussé, qui m'ont motivé à choisir ce thème, ce sujet que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. La première des raisons, c'est que c'est un sujet qui était très peu abordé. C'est un sujet qu'on aborde très peu. Alors, j'ai voulu par la même, de façon humble, participer à l'éveil, à la conscientisation, et tawiyya, vu son importance. Deuxièmement, deuxième raison, وجود قسوة وبرودة في التعامل مع الإخوان. Il existe malheureusement parmi nous, entre frères et aussi entre sœurs, il existe برودة, une froideur, قسوة, une dureté et une rigidité dans les relations. Et c'est un fléau dont s'en plaint beaucoup, ou s'en plaignent beaucoup de nos frères et sœurs qui se plaignent du manque de fraternité, du manque de ce qu'on appelle al-musafat, donc cette transparence, cette pureté qui fait que le frère trouve sa quiétude, sa sérénité, après bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, il la trouve auprès de ses frères et la sœur auprès de ses sœurs. Et c'est ce qui m'a poussé justement à parler de ce sujet, à en montrer ou à démontrer les alentours et les contours de ce sujet important que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. Alors maintenant vous avez compris pourquoi j'ai choisi ce sujet. Alors maintenant, situons-le. Cadrons ce sujet et accordons-lui son importance. Nous vivons une époque assez particulière. Une époque où les intentions se sont mélangées. Où les chemins et pistes également le sont comme tels. Où le frère ne sait plus à qui se fier. Où la sœur ne sait plus également à qui se fier. Où le croyant, ou l'individu tout simplement, ne sait plus distinguer entre son ami et son ennemi. Il ne sait plus. Eu égard à cette situation, il paraît opportun de procéder à un classement de cette fréquentation, de cette amitié, de cette fraternité qui existe couramment parmi les gens. Alors, la première catégorie de cette fréquentation, as-suhba, que l'on retrouve parmi les gens, qu'il s'agit des frères ou bien des sœurs, c'est ce qu'on peut dénommer suhbatul maslaha. C'est fréquentation pour intérêt ou par intérêt. Je te fréquente ou tu me fréquentes parce qu'il y a un intérêt entre nous. Ou sinon, je ne t'aurais pas fréquenté. Or, cette fréquentation, cette amitié, va s'interrompre et prendre fin lorsque l'intérêt ne sera plus là. Et combien de fois ça arrive? Que des frères se connaissent entre eux, ou que des sœurs se connaissent entre elles, mais le jour où l'intérêt n'est plus là, on ne les voit plus. Ni appel, ni visite, ni rencontre, ni quoi que ce soit. La deuxième de ces catégories de fréquentation à sohba et de fraternité à l'ukhuwa, c'est ce qu'on appelle sohba al-tab'a. C'est une fréquentation naturelle, dictée par des circonstances bien particulières, telles que le travail, les études, le voisinage ou encore l'enfance. La personne fréquente des personnes, mais il n'y a pas dans ce fond, dans le fond, il n'y a pas vraiment un amour. C'est plus de relations humaines tout à fait normales, dictées, comme je disais, par certaines circonstances qui ont donné naissance à cette fréquentation, à cette fraternité, telle que le fait que je connais cette personne parce que c'est mon voisin, ou parce que j'ai fait des études avec lui, ou parce qu'il travaille avec moi, ou encore parce que nous avons grandi ensemble. Et tant que nous ne nourrissons pas, tat'im, si nous ne nourrissons pas cette fraternité naturelle par justement al-mahabba, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle aussi risque d'être corrompue, comme nous allons découvrir, Inch'Allah. Il y a aussi, autre catégorie, ce qu'on appelle sohbat al-su. C'est la mauvaise fréquentation. C'est Satan humain, Shayatun al-Ins, qui sont autour de nous et qui essayent de nous influencer à l'ouest-ouest et nous induire dans l'erreur ou en erreur. Ces gens-là, comme le dit l'expression, yusharikunana fil afrah wa yubaidunana fil atrah. Ils sont avec nous dans les moments aisés, dans les moments de joie. Quand tout va bien, ils sont avec nous. Wa yubaidunana fil atrah. Par contre, lorsque nous sommes frappés par des malheurs ou des épreuves, on ne les voit plus. Et combien entendons-nous de frères ou de sœurs qui avaient de mauvaises fréquentations, et le jour où ces frères et sœurs tombent dans des problèmes ou des épreuves, eh bien ces mêmes personnes, ces mêmes frères ou ces mêmes sœurs, on ne les voit plus. Non, celui-là c'est quelqu'un qui a des problèmes, moi je prends mes distances. Alors que la véritable fraternité, Al-Ukhuwa Sadiqa, et ça on va en parler, Inch'Allah, par rapport aux caractéristiques qui distinguent cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette fraternité sincère, c'est cette fidélité, Al-Wafa. C'est que ton frère, tu es avec lui à n'importe quel moment, dans les moments de joie, tout comme dans les moments de tristesse. Humasiyan. Tous les deux sont identiques. Et la dernière des catégories, c'est Sohbatul Iman. Sohbatul Iman, la fraternité de la foi. Celle dont on peut dire Anna Ra'sul Iman, c'est le sommet, c'est la base de la foi. Wa ma'qidu kulli khayr. Et l'origine de tout bien. L'origine de tout bien. Cette fraternité imanique, cette fraternité de foi, Sohba al-Imaniya ne disparaît jamais. Elle reste. Tant qu'elle remplit certains critères, tant qu'elle reste dans un cadre bien défini que nous allons aborder ensemble, Inch'Allah ta'ala. Et pour résumer tout cela, le calife abbasside, le sultan abbasside al-Ma'moun, disait que al-Ikhwan, il dit al-Ikhwan ou Thalatha. Il dit les frères sont de trois sortes. Il dit mithluhu, mithlu al-ghida, la yustarna an. Certains frères sont comme nourriture, on ne peut pas s'en passer. Chaque fois qu'on a avec eux, ils nous nourrissent, ils nous alimentent, ils renforcent notre foi. On voit qu'on avance dans notre foi, dans notre comportement. Deuxième catégorie, il dit mithluhu, mithlu al-dawa, yuhtaju ilayhi fi waqt duna akhar. Et d'autres frères ressemblent à des médicaments. Nous avons besoin d'eux en certains moments, en certaines circonstances, mais pas tout le temps. Et le dernier, mithlu mithlu da, yustarna anhu bil kulliya. Et d'autres ressemblent à une maladie. D'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres connaissances ressemblent à une maladie. Ça veut dire que si nous les fréquentons, si nous restons avec eux, nous devenons malades. Notre foi chute, notre comportement régresse, et cela, comme le dit Al-Ma'moun, yustarna anhum. On s'en passe complètement. Méditons un peu sur le verset suivant dans la sourate Al-Zukhruf, la sourate l'ornement, verset 67. Méditons longuement. Lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala dit Al-Akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adou illa al-muttaqin. Al-Akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adou illa al-muttaqin. Les amis intimes, le jour du jugement dernier, seront des ennemis. Sauf ceux qui ont bâti cette amitié intime, Al-Khilla, qui l'ont bâti sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwallah. C'est là leur amitié, elle restera et elle durera. Et bien sûr, mes chers frères et sœurs, nous avons grandement besoin, en ces moments et à notre époque, de remodeler nos modes de relation avec les autres, avec nos frères ou les sœurs, avec leurs sœurs. Il est vraiment primordial et important et urgent de remodeler un peu nos relations, de repenser nos relations avec nos frères. Et idem pour les sœurs. Parce que vous savoir que la fraternité sincère, Al-Ukhuwa Sadiqa, qui est basée sur le mahabba, sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moule Al-Qalab dans lequel se forme le croyant, dans lequel il s'éduque. Il n'y a pas que l'instruction, Al-Ta'allum. Il y a aussi la fréquentation qui peut te marquer. On va voir, Inch'Allah, le hadith où le prophète sallam fait une métaphore par rapport à cela. Qu'entendons-nous? Qu'entendons-nous par aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et quels en sont les synonymes? Alors avant tout, il serait intéressant de s'arrêter auprès de ces ou plutôt auprès des origines linguistiques, al-ishtiqaqat al-lughawiyya, des origines linguistiques du mot mahabba. Comme les a cités un savant dénommé Ibn al-Qayyim dans son livre Rawdat al-Muhibbin, le jardin de ceux qui s'aiment. Dans Rawdat al-Muhibbin, Ibn al-Qayyim nous a cité pas mal de racines linguistiques du mot mahabba, qui veut dire aimer ou amour. La première de ces racines, c'est ce qu'on appelle as-safa, c'est la pureté. As-safa, la pureté. Et les Arabes disent dans leur langage hababul asnan. Hababul asnan, donc la pureté, la blancheur des dents, ils l'appellent habab. On voit le lien avec le mot mahabba. Et bien là, justement, al-mahab, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, est un amour de transparence, de pureté. Elle n'est pas mélangée avec des intérêts affichés ou sous-entendus. Également, parmi les racines linguistiques du mot mahabba, aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons al-habab. Al-habab, lorsque la pluie intense tombe, al-matar al-shadid, lorsque la pluie intense tombe, eh bien, il y a des couches d'eau qui débordent sur la terre. Eh bien, les Arabes appellent cela al-habab. Et pourquoi, quel est le lien avec al-mahab, avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que la personne, son cœur bouillonne d'amour pour son prochain, pour son frère, ou la sœur, pour sa sœur. Et lorsqu'elle la rencontre, ou lorsqu'il le rencontre, eh bien, il est pris d'une joie, d'une gaieté qui le traverse parce qu'il est content de le revoir ou elle est contente de la revoir. Et la troisième de ces racines linguistiques, c'est ce qu'on appelle al-luzum wa thubut. C'est la fixation et la stabilité. C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas conditionné par des circonstances ou par des intérêts, mais qui dure tant que nous sommes vivants. Et les Arabes ont une expression, ils disent ahab al-ba'ir idha baraka falam yaqum. C'est-à-dire que le chameau, lorsqu'il descend à terre et qu'il s'installe et qu'il ne bouge plus, on dit ahab al-ba'ir. Donc on voit ici que le mot mahabba tourne, il y a d'autres racines, mais bon, j'essaie d'un peu résumer tout cela. Il y a d'autres racines linguistiques qui tournent autour de cela. Et souvent, lorsque nous parlons de aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, on lui donne comme synonyme, comme nous l'avons dit là tout à l'heure, al-ukhuwa, al-sadiqa, la fraternité sincère, et également al-suhbatu, al-saliha. Alors qu'entendons-nous par aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant que nous avons parcouru un peu du côté linguistique, al-nahl al-lughawiyya, du côté linguistique, donc les racines et les istiqaqat de ce terme al-mahabba, alors qu'entendons-nous par al-mahabba, par aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous sous-entendons par cela? Cela veut dire, cela signifie toute amitié sincère. Al-tawad, al-sadiq, toute amitié sincère qui réunit des croyants ou des croyantes à la ta'atillah. Donc qui réunit des croyants ou des croyantes à l'ombre de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, aimer pour Allah azza wa jalla. Et nous avons le hadith de cette catégorie de gens qui seront à l'ombre du trou du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces gens, il y a Rajulani tahabba fillah ijtama'a alayh wa tafarraqa fih. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Ces gens-là feront partie des sept catégories qui seront à l'ombre du trône du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce sera, inch'Allah, un sujet de conférence que je compte traiter dans les temps à venir et qui aura pour titre donc les hôtes du Clément, de Yufar Rahman, où nous parlerons de cette catégorie, de ces gens qui seront à l'ombre du trône du Seigneur Azza wa Jalla, qui auront ce privilège d'être épargnés des chaleurs torrides qui frappera tous les humains ce jour qui est le jour du jugement dernier. Penchons-nous un peu vers le Coran, vers la Sunna et vers l'Athar, certaines citations, certains dires des premières générations de l'islam, pour voir un peu l'importance de cette fraternité, l'importance de cette mahabba lillah azza wa jal que nous devons rechercher et cultiver. Prenons le premier verset dans la sourate Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelant un certain bienfait, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم. Rappelez-vous du bienfait d'Allah vous concernant. إذ كنتم أعداء. Lorsque vous étiez ennemis, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Lorsqu'il a uni vos cœurs et vous êtes devenus par la main, par ce bienfait divin, vous êtes devenus par ce bienfait إخوانا, des frères. Rappelons, mes chers frères et sœurs, que ce verset est descendu pour nous décrire et nous rappeler la situation de ces deux tribus qui étaient à Médine et qui sont celles de Al-Aus et Al-Khazraj, ces tribus qui, avant l'arrivée de l'islam, avant que la lumière de l'islam, Nour al-Islam, traverse Médine et arrive à Médine, ces deux tribus se sont livrées pendant des décennies, presque un siècle, des guerres fratricides. Il y avait entre eux de la haine, du mépris, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît la véritable ampleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec la venue de l'islam, les a unis au nom d'Allah Azza wa Jal. Aussi dans Surat Al-Anfal, la sourate, les butins, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas ce droit exclusif d'unir les cœurs des gens. Mais c'est Allah qui unit les cœurs de qui il veut. Même s'il fait ce qu'il envie, même si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ce qu'il veut, il ne pourra jamais unir les cœurs de personne qu'avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا, si tu dépenses tout ce qui est sur terre, ça s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم, si tu dépenses tout ce qui est sur terre, tu n'arriveras pas à unir leur cœur. ولكن الله ألف بينهم, mais c'est Allah qui a uni leur cœur, qui a créé cette unité, cette symbiose entre les croyants.